Je passe dans la rue devant des gens et aucun ne m'aperçoit. À quoi bon se convaincre d'être différent? Ça ne se passe qu'en moi. Et je rêve d'un monde où je serai quelqu'un d'important. Car oui, je ne peux que rêver d'intéresser les gens. Debout en plein milieu d'une foule, je passe inaperçu. Tous mes rêves, mes espoirs s'écroulent et je repars déçu. Et je rêve d'un monde où je serai quelqu'un de beau. Car oui, je ne peux que rêver de changer de peau. Je suis qu'un homme perdu dans une masse, un homme qui échoue quoi qu'il fasse. Maudit, damné, condamné à l'errance, et pire encore à l'éternelle indifférence.